ça ne se mange pas avec les doigts. Lendemain du mariage de Camille, la mère demandait à sa fille, et sur un ton très empressé, dis-moi comment ça s'est passé. La jeune mariée d'un air content, dit en embrassant sa maman, oh le petit poids, le petit poids, le petit poids, oh le petit poids, le petit poids, le petit poids, ça ne se mange pas avec les doigts. C'était le grand écart du groupe Corridor dans le démon de midi. D'ici quelques minutes, on se retrouve pour le cadeau du jour. Et en attendant, ils ne sont peut-être pas de la planète Terre. Il est superbe, ce disque. Il est accompagné, comme à chaque fois, Thurston Moore, de Steve Shelley, donc l'ancien batteur de Sonic Youth. Et donc, voilà, il poursuit l'œuvre du grand groupe de noise new-yorkais. Radio primitive. Mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Je pense qu'aussi on en a fini avec les amoureux du Velvet Underground, puisque là c'était le groupe de Nathan Rush, cet Australien qui se prend tellement fort pour lui raide qu'il est venu habiter en France et qu'il a baptisé son groupe le Villejuif Underground. Alors, réalise une émission en direct, une papounette. Tiens, bonsoir, bien ça fait plaisir de vous voir, merci d'être venu. Allez-y, entrez, je vous en prie, ne faites surtout pas attention au désordre. Il y en a un petit peu partout, des vinyles, des CD, peut-être même quelques cassettes, ça ne m'étonnerait pas. Alors ce qui va se passer durant l'heure qui va suivre, eh bien c'est très simple, on va piocher dans tout ça et voir un peu ce qui en sort. Eh bien voilà, il est 22h et pratiquement 4 minutes, bonsoir et bienvenue à bord de Chorus. Généralement anglo-saxon, mais il a tout traduit, y compris les titres, comme à son habitude, et arrangé ça à sa sauce. C'est tout à fait d'actualité, quand on pense à ce qui nous environne actuellement. Je n'insiste pas.